Exercice 13, page 89. Ces derniers jours, elle a su comment éteindre cette impression d'avoir des braises au fond d'elle-même, prêtes à se transformer en incendie à la moindre étincelle.